Alors, vous écoutez Futur Simple et nous ouvrons donc cette revue de presse avec Valérie qui nous a préparé un petit condensé de ce qui a pu se passer récemment. Alors, on commence par aller en Norvège où des chercheurs s'intéressent aux conditions de stockage du gaz carbonique, du CO2. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est un projet international qui est mené par la Norvège, le Royaume-Uni et la France. Il est question, effectivement, de stockage du CO2. Et ça m'intéresse parce que, justement, la semaine prochaine, nous aurons deux invités de l'INRS, peut-être des collègues à toi, je connais un peu, Christiane. Donc, ils seront ici, justement, pour nous parler de la séquestration du CO2 dans le sous-sol. Donc, quand j'ai vu cette nouvelle sur la Norvège qui s'intéresse aussi à ça, je me suis dit, on va mettre la table. Voilà. On prépare un peu le terrain. C'est ça. Donc, le stockage du CO2, de quoi il s'agit? Il s'agit, en gros, là, très schématiquement, de récupérer le CO2 émis par les gros pollueurs et de l'injecter dans le sol, dans des formations géologiques, pour qu'il y reste. Donc, ce CO2 piégé dans le sous-sol n'ira pas dans l'atmosphère. Alors, les Norvégiens sont intéressés parce qu'ils sont producteurs de pétrole. Entre parenthèses, le Canada aussi est intéressé, aussi des projets de ce genre-là, parce que lui aussi est producteur de pétrole. Mais dans quelle formation géologique on peut envoyer ce CO2? Peut-être pas partout. Et surtout, comment être sûr que le CO2 y restera? Oui, parce qu'on essaie d'imaginer ça vite comme ça, mettre du gaz dans du sol, mais est-ce que ça ressort? C'est dur à imaginer. C'est un gaz, c'est volatile. Oui, donc, le sol, c'est pas solide, c'est pas gazeux. Puis ça peut être un petit peu poreux aussi, le sol. Hein. On parle de sortie de méthane à propos des gaz de schiste, mais là aussi, on met du CO2 dans le sol. Est-ce qu'il va ressortir ailleurs? Donc, il faut étudier tout ça. Oui, hein? Donc, les Norvégiens s'intéressent à cette question-là. Donc, ils ont conçu un dispositif pour injecter le gaz et suivre les déplacements du CO2, avec différents instruments de mesure. Donc, ils vont injecter du gaz. Bon, d'abord à petite profondeur, à 20 mètres de profondeur, prendre des mesures. Puis ensuite, ils vont l'injecter à 250 mètres de profondeur pour faire d'autres mesures, puis voir ce qui se passe, que devient ce CO2 finalement. Mais 250 mètres, ça me semble pas très très profond finalement pour vraiment séquestrer à long terme du gaz carbonique. Non, c'est ça, c'est pas très profond, puis c'est dans la réalité, c'est plutôt à au moins 800 mètres qu'on veut stocker le CO2. Ce que les chercheurs pensent, c'est qu'avec ces observations faites à 20 et à 250 mètres, ils vont pouvoir extrapoler ce que du CO2 stocké à 1000 ou 2000 mètres de profondeur deviendrait. Donc, ils vont modéliser comment ce CO2 se comportera quand il est stocké en profondeur et pouvoir suivre si, notamment, il y a des suites. Et ensuite, à partir de ces données, parce que c'est bien beau de regarder s'il y a des fuites ou pas, mais ce qu'on veut aussi, c'est faire quelque chose de réglementaire, de savoir un petit peu ce qu'on fait. Donc, l'objectif de ces données, c'est d'établir des règles et des procédures pour surveiller les futurs sites de stockage du CO2. Ce qui est très pertinent. Qu'il y ait quand même quelque chose qui ne soit pas fait n'importe comment. Oui, ça serait une bonne idée. Ouais. Je crois d'avoir une régulation. Maintenant, on va rester dans le nord, mais cette fois dans le nord du Canada. Alors, on change de continent. Oui, c'est ça. Donc, dans le nord du Canada, il y a de la glace qui fond. On le sait. Notre chroniqueuse, Adeline Parent, nous en a parlé la semaine dernière. D'ailleurs, il y a des chercheurs de l'Université McGill et de Carleton qui ont examiné la fonte de la banquise cet été. Puis, la fonte se poursuit. Donc, j'ai lu, par exemple, que des portions plus grandes que l'île de Manhattan se sont détachées. Mais c'est pas de ça que je veux parler dans le Grand Nord canadien, parce que oui, la glace fond, mais le couvert de neige, tout simplement, le couvert de neige, lui aussi, fond. Donc, il y a des chercheurs de l'Université de Saskatchewan qui étudient la diminution du couvert de neige, la fonte du pergélisol également, et les conséquences que ça peut avoir plus au sud sur l'approvisionnement en eau. Parce que dans les prairies, en fait, il y a bon nombre de rivières qui coulent du nord vers le sud. Donc, les rivières du sud sont alimentées par l'apport d'eau au nord. C'est ça, exactement. Donc, ce qui se passe au nord, ça a un impact direct. Donc, s'il y a un couvert de neige qui est de moindre importance, ça va moins alimenter les rivières. Évidemment. Par contre, si le pergélisol fond, on peut imaginer qu'il va y avoir plus d'eau libérée, que ça va alimenter les rivières. Donc, qu'est-ce que ça donne en bout de ligne? Ça peut-être pas être abstrait, pas très important, sauf que ces rivières-là alimentent les terres agricoles. Ah, Déjà, il y a un impact un peu plus concret sur la vie humaine. Hein? Éventuellement, c'est aussi avec des grandes rivières qu'on fait de l'hydroélectricité. Donc, ça a un impact sur toutes les activités agricoles ou économiques qu'on peut avoir au sud. Donc, les chercheurs de la... Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître le débit des rivières. Et il y a donc un programme de recherche à l'Université de Saskatchewan pour comprendre comment les changements climatiques vont modifier donc, la fonte du pergélisol, le couvert neigeux et finalement le comportement de l'eau, le comportement combien il y aura d'eau dans les rivières et éventuellement comment gérer l'eau en fonction de ces nouvelles données. Mais c'est super intéressant, mais maintenant on va se transposer en Europe où plusieurs pays collaborent pour concevoir un pissenlit qui produit du caoutchouc. Ça m'intrigue, franchement. Oui, alors ce même pissenlit qui envahit les pelouses au printemps, qui est jaune, qui en exaspère certains, eh bien, il existe en Russie le pissenlit de Russie, pissenlit gommeux qui produit du caoutchouc, donc du caoutchouc comme celui produit par l'EVA. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait produire du caoutchouc dans du pissenlit alors qu'il y a les EVA qui le font si bien? Pourquoi, hein? Ouais, c'est vrai. Ben, c'est parce qu'il y a certaines plantations d'EVA qui sont attaquées par un champignon. Et y a d'autres plantations d'EVA qui ont un petit peu changé d'utilisation. On y a mis d'autres plantes pour faire des agrocarburants. Donc, ça a des impacts sur la production d'EVA, donc de caoutchouc. Et pourtant, la demande en caoutchouc est toujours aussi importante. Oui, j'imagine. Il y a toute l'industrie partout. C'est assez présent. On fait toujours autant de voitures, donc on a toujours autant de besoin de pneus. C'est ça. D'où l'intérêt de ce pissenlit de Russie. Mais voilà, il est trop petit. Donc, pour faire une production industrielle, il va faire beaucoup de pissenlits. Donc, on peut remarquer qu'on peut demander aux gens de planter plein de pissenlits sur leur gazon. Les gens se partent en affaires. C'est ça, exactement. Donc, une équipe internationale, des Tchèques, des Suisses, des Français, des Allemands, des Espagnols, des Kazakhs, tout ça avec aussi des fonds américains. Donc, c'est vraiment international. Il y a plein de gens qui sont intéressés par ce petit projet de pissenlit, qui sont associés pour concevoir un pissenlit producteur de caoutchouc. Donc, ça a commencé avec les Tchèques. Ils ont croisé le pissenlit gommeux avec d'autres pissenlits non gommeux, mais plus grands, pour obtenir donc un plus grand pissenlit gommeux. Et c'est maintenant au tour des Suisses et des Français de travailler pour extraire le caoutchouc de ce nouveau pissenlit. Alors, on va voir avec quel caoutchouc seront fabriqués les pneus des autos de demain. Et oui, affaire à suivre, effectivement. Merci Valérie pour cette belle revue de presse. Maintenant, on part en musique sur les ondes de CKRL 89.1.